Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 19 janvier 1840. Mais oui, 1840. Mettez un manteau quand même, parce que là, nous sommes en plein océan Antarctique, près du pôle sud, où deux navires français tentent de se frayer un chemin parmi les icebergs. Et d'un seul coup, surgit devant les équipages une montagne de glace. Le chef de l'expédition, il s'appelle Jules Dumont-d'Urville. Il vient de découvrir la Terre Adélie. Jusque-là, aucun homme n'était allé aussi bas, si je puis dire, aussi loin de ce côté de la Terre. Mais dites-moi, que fait-il là-bas, notre Dumont-d'Urville? Mais il œuvre au rayonnement de la France, Raphaël. Les Anglais s'intéressent à cette partie extrême du globe, donc, à l'époque, les Français aussi, forcément. En relâchant dans le port de Hobart, tout à fait au sud de l'Australie, en Tasmanie, Dumont-d'Urville a appris que deux expéditions anglaises étaient en cours. Ça, c'était inacceptable à ses yeux, pas question de leur laisser la primeur d'une telle découverte. Donc, il a fait hisser les voiles de l'Astrolabe et de la Zélée, ces deux bateaux. Et allons-y, cap plein sud. Et c'est là qu'il découvre la Terre Adélie, donc. Mm-hmm. Pourquoi Adélie? Parce que sa femme s'appelait Adèle, tout simplement. D'accord. Vous savez, ça c'est le privilège des découvreurs. Il a tout de même fallu un peu de temps pour débarquer sur ce nouveau territoire. C'est seulement le 22 janvier que Dumont-d'Urville et ses hommes posent pied sur la Terre Adélie. On plante le drapeau français avec la certitude que cette étendue de glace revêt pour l'avenir une grande importance stratégique. Et puis, bien sûr, Américains, Anglais ont été distants. C'est important. Dumont-d'Urville est revenu du coup en héros, Franck ? Oui, nommé contre-amiral. Il n'a plus en gros qu'à se reposer, on va dire, et à jouir de sa gloire. Sauf qu'en 1842, à Meudon, il va être victime du tout premier accident ferroviaire de l'histoire. Le train, qui à l'époque était tout en bois, déraille. Un incendie se déclare. 57 personnes sont brûlées vives, dont Dumont-d'Urville, sa femme Adèle et leur fils de 16 ans. Franck, on vous retrouve tout à l'heure sur Europe 1 à 14h. Oui, je serai en compagnie de Jean Tullard pour évoquer une grande affaire criminelle sous l'Empire.